97e leçon. Un pot-pourri d'expressions idiomatiques. Ça y est, elle pleure. Tu as encore mis les pieds dans le plat. S'il continue à étudier comme ça, il risque de réussir son examen. Mais il ne travaille pas du tout. Il fait semblant. Je ne peux pas continuer. J'en ai ras-le-bol. Ce type-là, je ne peux pas le voir en peinture. Moi non plus. Au moins, elle dit ce qu'elle pense. Elle ne tourne pas autour du pot. Jeudi étant férié, je vais faire le pont. À lundi. On n'arrive pas à le joindre. Tu crois qu'il est sorti ? Vous êtes au courant ? Ils ont enfin réussi à vendre leur maison. On a eu son message, mais on ne sait pas ce qu'il veut dire. Exercice. Arrête de crier comme ça. J'en ai ras-le-bol. Ne tournez pas autour du pot comme ça. Dites-nous ce que vous voulez dire. Je ne sais pas pourquoi, mais il ne peut pas me voir en peinture. J'ai réussi à le joindre hier. Allez, à lundi.